Section 6 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e. Section 6. L'adoré par René Mézeroy. Juillet 1885. Parfois, elle hausse les épaules et d'une voix un peu dure, lentement, comme lorsqu'on dicte de suprême volonté, s'écrie, en dardant sur moi ses claires prunelles. Vous avez tort d'être jaloux, de douter de mon affection. Je peux être froufrou, coquette, fantasque. Quelle femme ne l'est pas à mon âge? Mais j'ai la loyauté d'un homme. Le jour où je ne vous aimerai plus, je vous le dirai à cœur ouvert, et nous nous séparerons. Les mensonges où l'on s'avilit me répugnent, et j'ai le dégoût de celles qui se partagent, qui appartiennent autant à leur mari qu'à leur amant. Je ne vous tromperai jamais. Je ne tenterai pas de vous leurrer par de fausses tendresses. Et si je me reprenais pour un autre, si par trop d'injustice vous me poussiez à commettre quelque folie, à en finir, ce serait irréparable, et vous me deviendriez aussi étranger que les hommes qui passent dans la rue. Et je sens qu'elle est franche, qu'elle dit l'absolue vérité. Je lui réponds n'importe quoi en affectant de sourire, comme s'il ne s'agissait que d'une gaminerie brusque de petite fille. Mais j'ai le cœur angoissé d'une instinctive crainte. Que deviendrais-je, hélas, si Marthe m'abandonnait, si je la perdais? Paris se vide et presque tous les hôtels de notre rue ont les persiennes closes. Je ne rencontre plus personne au bois, le matin. Quand partirons-nous? Où irons-nous? J'attends avec de sourdes impatiences la volonté de Marthe. J'ai hâte de voir les housses sur les meubles et des malles étalées au milieu des chambres, les robes, les cartons à chapeaux jonchés pêle-mêle de lit, les chaises, le canapé. J'ai hâte d'enlever ma femme comme une amoureuse, de fuir avec elle. Ce serait le bonheur, la fin de nos querelles, la guérison, le repos, surtout si elle consent à brûler Deauville, à déserter cette plage morte où l'on se bat les flancs pour paraître, l'on change de toilette 15 fois par jour, et où la mer pourrait se remplacer par une toile de fond. Je pense sans cesse à Champrelle, où Marthe passait toutes ses vacances de pensionnaire, à ce vieux château dont nous avons hérité après la mort de ma belle-mère. Il fut une des étapes de notre voyage de noces. J'aperçois comme en un mirage le parc profond et ombreux, les buissons de roses, la terrasse qui domine les champs et les bois, la maison avec son grand air seigneurial et la rivière verte, calme, qui coule lentement sous les arbres. J'en ai la nostalgie, mais je me garde de le dire à Marthe, de lui exprimer ce souhait. Les cerisiers doivent être couverts de fruits. Le parc doit être en fleurs. Je n'en parle que de ça, de là, comme distraitement. Marthe, ainsi que toutes les femmes, se révolterait aussitôt si je semblais vouloir lui imposer mon désir et combattre ses hésitations. Elle se cabre quand elle sent trop la bride. Marthe m'a deviné. Nous partons ce soir pour Camprelle. J'ai de la joie plein le cœur. Ce deuxième cahier est daté de Champrelle. J'y ai trouvé entre les pages, comme en un livre d'amour, des fleurs sèches qui avaient jauni. Un portrait de Madame de Trémont quand elle était jeune fille, et par place, sur les phrases écrites d'une longue écriture élégante, presque féminine, des taches rondes de larmes qui ont éclaboussé le papier. Que de fois le pauvre fou a dû pleurer en relisant l'exquise et suprême idylle de ses derniers jours de bonheur. Fin de la section 6, enregistrée par Margot.